Du 30 novembre 2013, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec Francis Fortier de l'Institut de recherche et d'information socio-économique à propos de l'impôt des entreprises en première partie d'émission. Par la suite, en deuxième partie d'émission, je reçois Dominique Bernier des Amis de la Terre sur l'agriculture et le commerce international. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Lemonnette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'entretiens mensuels avec des chercheurs de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Ce mois-ci, nous nous entretenons avec Francis Fortier, à qui nous allons demander si les entreprises paient trop ou pas assez d'impôts. Mais d'abord, on écoute ce qui suit. Jeune homme ayant charme facile, présentant bien propre et bien mis. Dans sa vie plein de filles des fils, laissé tes copies bon ami. Ouais bon, pour la petite histoire, il était pas beaucoup poilu, mais à part ce détail notoire, il était drôlement bien foutu. Pointeur à pointer d'une agence, en clair y bossait au chaume-dû. Soit disant là, faut t'as pas de chance, faut t'as pas de chance, tiens, mon. L'avait ni l'homme, n'avait à revendre, d'ailleurs c'est justement ce qu'il faisait. Mais fallait toujours qu'il truande, il a jamais rien déclaré. Au percepteur, il faisait bis qu'elle n'a déclaré rien au fiscaux, ouais. Au percepteur, il faisait bis qu'elle n'a déclaré rien au fiscaux, ouais. Au percepteur, il faisait bis, et ce n'est pas bien. Soi-disant qu'il y aurait la crise. On écoutait Jean-Pierre Robert dans la chanson le salaud qui payait pas ses impôts. Francis Fortier, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Je vais bien, oui, merci. Vous complétez une maîtrise en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, portant sur les crises économiques états-uniennes des années 60-70. Vous vous intéressez également aux conséquences socio-économiques des décisions gouvernementales, à l'analyse du capitalisme contemporain, ainsi que de manière plus générale à l'économie politique internationale et à la théorie économique. Ça, c'est ce qu'on lit sur le site de l'IRIS, parce que vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Oui, en fait, je suis chercheur. Chercheur. Tout simplement, oui. Bon, petite précision. Mon statut a changé dans les dernières années. Voilà. On va en profiter, justement. J'entends parfois chercheur associé, parfois chercheur. Il y a une petite différence? Simplement que au niveau des chercheurs associés, il y a peut-être un petit peu moins mobilisé de façon comme régulière pour les recherches. Ah, bon, voilà. Tout simplement. C'est pas une grosse différence de statut. Les gens peuvent être membres de l'IRIS en passant, si je comprends bien. Hein, si oui, à titre individuel, on peut être membre pour nous donner un coup de main, pour faire des sorties, tout ce qu'on peut faire avec les différentes critiques de la droite. Voilà, le message est lancé. En avril dernier, vous avez écrit un billet sur le taux d'imposition des entreprises qui débutait par la première question qui m'est venue à l'esprit en préparant cette entrevue. Comment ça marche? Parce que pour les particuliers, on a tous une petite idée. On produit un rapport d'impôt. On sait à peu près là, comment ça fonctionne, les déductions puis tout ça. Bon, certains en profitent plus que d'autres, mais en tout cas, parfois on a besoin d'un comptable. Mais en gros, on sait. Mais les entreprises, c'est un peu plus nébuleux. Comment ça fonctionne dans les entreprises? Ben, en fait, c'est à la base, ça ressemble un petit peu comme pour les particuliers, c'est-à-dire que le taux d'imposition qui va être appliqué, ça va être sur les revenus. Oui. D'un revenu imposable, donc c'est sûr que c'est pas le revenu brut, il y a un ensemble de calculs, donc sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des déductibles, des genres de choses comme ça, puis on arrive avec un revenu imposable, et à ce revenu imposable-là, contrairement à ce qui existe pour les particuliers, c'est un taux fixe, à la fois au provincial et à la fois au fédéral. Ah, il n'y a pas de palier d'imposition. C'est ça, il n'y a pas de palier d'imposition. Ils font une distinction, par exemple, entre une PME et une plus grande entreprise, mais qui est basée sur le revenu. Donc, à la limite, il y aurait comme deux paliers, tout simplement. Ouais. Et ce qu'on parle, par exemple, en termes de pourcentage, au fédéral, on va parler de 15 %, puis au provincial, bon, 11,9, donc 12 % pour faciliter un petit peu la chose. Oui, voilà. Ça, c'est pour le premier des deux paliers, c'est ça? C'est le palier le plus élevé. OK. Sinon, le palier le plus bas, mais là, il peut y avoir des... Ouais, pour le palier un petit peu plus bas, c'est au fédéral, c'est 8 %. Okay. C'est 11 % puis 8 % pour le Québec. OK. J'ai cru comprendre aussi que ça pouvait varier selon les secteurs d'activité. Je me trompe? Ça varie pas nécessairement. Pour le Québec, ça varie pas. C'est la même chose, peu importe les secteurs d'activité. C'est que dans le billet que j'avais produit, il y avait des variations aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des taux d'imposition qui sont différents. Puis le système d'imposition aux États-Unis fonctionne plus près de qu'est-ce qu'il y a avec les particuliers, c'est-à-dire qu'il y a des paliers d'imposition pour les compagnies. Ah bon. Puis il y a aussi des secteurs qui ont des taux d'imposition qui sont différents. Okay. Donc, pour pouvoir faire la comparaison, il avait fallu faire des séparations au niveau des secteurs. OK, mais pour le Québec, pour le Canada, il n'y a pas cette nuance-là. Il y a deux, finalement, entre guillemets, paliers d'imposition. C'est ça. Maintenant qu'on sait un peu plus comment ça marche, mais bon, on met de côté, évidemment, comme vous l'avez dit, toutes les subtilités, là, toutes les déductions, parce qu'il y a des déductions à la source pour les particuliers, il y en a, j'imagine, pour les entreprises aussi, il y a plein de trucs comme ça. Maintenant qu'on sait un peu plus comment ça marche, la question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Est-ce que les entreprises font leur juste part dans l'ensemble des revenus dont disposent nos gouvernements? C'est sûr que la dimension de juste part est un petit peu subjective, mais si on regarde, disons, en regardant l'assiette des revenus du gouvernement provincial puis du gouvernement fédéral, ce qu'on se rend compte, c'est que l'impôt des sociétés prend quand même une très petite part de la tarte. Si on regarde pour le niveau au niveau fédéral, l'impôt des particuliers, c'est environ 50 % des revenus, tandis que l'impôt des sociétés, on est à 13 %. Donc, la différence est quand même assez énorme, importante. Oui. Puis, si on regarde au niveau des... au niveau provincial, on est pour l'impôt des particuliers, c'est 28 %, tandis que pour l'impôt des sociétés, on est à 6 % seulement de l'assiette fiscale. Ah, c'est incroyable comme différence. Le reste, c'est les taxes, c'est ça? Il y a les taxes, il y a les transferts, il y a les revenus des entreprises du gouvernement. Oui, c'est vrai. Enfin, on a parlé de l'Hydro-Québec, justement, avec Évelyne Couturier. C'est ça. Oui. Alors, si on regarde globalement, bon, les entreprises du gouvernement, ça tourne la même chose environ que l'impôt des sociétés, on est à 7 %. OK. Et là, vous semblez dire qu'elles ne paient pas tout à fait leur juste part parce que vous avez comparé avec d'autres pays, c'est ça? Pas nécessairement avec d'autres pays, beaucoup plus que dans le temps. Il y a au Québec. Temps, puis, oui. En fait, c'est que Ottawa a diminué les taux d'imposition des sociétés dans les dernières années. Ils ont diminué de 3 % les taux qu'on parlait initialement. Là, le taux qui est maintenant à 15 %, mais avant, il était à 18. Okay. Puis ça, ils l'ont baissé en 2010. Donc, c'est sûr que au niveau de l'assiette pour le niveau fédéral, c'est sûr que ça a diminué les revenus de l'État de façon les revenus provenant des impôts des sociétés de façon quand même assez importante. Et c'est la même chose pour le Québec? Il y a eu une diminution avec le temps? Pour le Québec, c'est resté la même chose. Mais si on regarde dans le temps, ça donne l'impression que ça a augmenté en termes de pourcentage. Mais c'est simplement que le gouvernement a, disons, suivi une, un petit régime minceur au niveau des revenus. Ouais. Fait que ça donne l'impression que l'impôt des sociétés compte augmenter dans, dans l'assiette, mais c'est simplement que les autres ont diminué. Ah bon. Oui, il y a eu plusieurs baisses d'impôts pour les particuliers, si je, si je me rappelle bien, sous le gouvernement Charest. Oui. Certains pourraient objecter que les entreprises étant soumises à une forte concurrence, là, sur le plan mondial, de plus en plus à mesure que, qu'il se négocie des traités de libre-échange, entre autres, là, certains pourraient objecter que, qu'il faudrait même baisser encore plus le taux d'impôt. Non seulement qu'elles, qu'elles en paient trop présentement, puis qu'il faudrait même le baisser, ce taux d'impôt-là. Mais on, vous en avez fait allusion au début, la dimension de, des secteurs, puis ça, c'est peut-être un des problèmes, des arguments des personnes qui disent qu'il faudrait diminuer les impôts, c'est qu'ils prennent pas en considération la dimension des secteurs, des différents secteurs. Oui, il y a une mise en compétition des entreprises, mais d'une certaine manière, c'est la base même du système capitaliste dans lequel on vit, c'est cette mise en compétition, cette mise en, en concurrence. Fait, en partant de cette dimension-là, il faut aussi prendre en considération la dimension régionalisée. Souvent, quand on va réfléchir à la dimension de la concurrence, on fait référence à des pays en voie de développement. Par exemple, avec la Chine, on regarde l'Inde, mais il y a certains de ces pays-là n'ont pas nécessairement les ressources aussi développées dans certains secteurs. Par exemple, le secteur du multimédia. Ouais. Si on essaie de regarder, si on regarde les compagnies en général, puis on regarderait une compagnie de multimédia avec une compagnie, pardon, qui produit, manufacturier, par exemple, qui produirait des vêtements, c'est sûr qu'on peut pas regarder, faut comparer des pommes avec des pommes, tout simplement. Ouais, ouais. Puis, aussi, la dimension régionalisée, c'est un petit peu qu'est-ce que j'avais produit au niveau de du blog que vous parliez tantôt, c'est qu'en regardant avec la mise en compétition avec le Canada, les autres provinces du Canada, et avec les États-Unis, qui sont les principaux disons, les principaux territoires dans lesquels il y a une compétition, puisque nos flux économiques fonctionnent nord-sud beaucoup plus que est-ouest au Québec. Ouais. Fait que puis on regarde avec ce qui se passait aux États-Unis, puis on a des taux d'imposition qui sont plus bas en moyenne qu'aux États-Unis, pour à la fois pour le manufacturier, puis à la fois pour le multimédia. Ouais. Ce qui est quand même assez surprenant. Quand on dit le Québec n'est pas compétitif, il faut baisser le taux d'imposition des entreprises, mais on ne regardait pas nécessairement suffisamment les secteurs où il y a un développement très fort, par exemple, du multimédia dans certains États américains. Oui. Donc, en résumé, c'est pas vrai de dire qu'on n'est pas concurrentiel. Et il faut aussi regarder secteur par secteur, effectivement, on l'est ou pas. C'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. T'sais, à titre d'exemple, revenons sur les sociétés non manufacturières, le multimédia. T'sais, au Québec, si on prend le taux combiné provincial-fédéral, on est à 26,9. En Ontario, c'est à 25. Mais si on regarde les principaux États qui développent le secteur multimédia aux États-Unis, la Californie sont à 40,75. Ouais. La Floride à 38,5 environ. Puis on a aussi la Géorgie à presque 39%. Fait, si les compagnies déménagent où il y a les ressources pour pouvoir être implantées, par exemple, dans un secteur, une compagnie qui serait installée au Québec qui déciderait d'aller en Californie, mais il augmenterait son taux d'imposition de 14%, ouais, en moyenne. C'est comme, c'est de pas considérer qu'il y a comme des réalités au-delà de simplement voir les taux. Je pense que c'est ça un petit peu qu'il faut cibler quand on réfléchit à la dimension de la concurrence. Ouais, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a tendance à entendre un discours un peu simpliste, là. Hein, on a un chiffre global, là, ça a pas d'allure, les entreprises paient beaucoup d'impôts ici. D'abord, d'une part, vous comparez avec les États-Unis, le Canada, on n'est pas en si mauvaise position que ça. Et en plus, dans certains secteurs, on est fortement concurrentiel, c'est ça que je comprends. Oui, c'est ça. Principalement avec les États-Unis, parce qu'au Canada, c'est pas mal, ça joue là, peut-être à 1 ou 2 % en haut ou en bas, donc on est pas mal dans les mêmes eaux à ce niveau-là. Avec la dimension de la compétition au Canada est quand même assez, assez forte. Disons, homogène. Oui. Je peux pas m'empêcher de vous demander sur un autre sujet, mais qui est lié au fond. Là, c'est la dernière mise à jour du ministre Marceau. Là. Oui. D'une part, je vais vous demander ce que vous en pensez, mais peut-être rattacher ça justement à l'impôt des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez dans un premier temps de cette mise à jour qu'il a fait cette semaine? C'est un petit peu la même. C'est un petit peu la même mise à jour qu'il avait fait en début. La première mise à jour qu'il avait fait après l'élection. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait ils ont surestimé les revenus de l'État comparativement à qu'est-ce qui est dans la réalité. Bon, c'est tout un problème, disons, un petit peu plus méthodologique qui existe quand on travaille en économie. C'est la fameuse logique du exceteris paribus, c'est-à-dire toutes choses étant égales par ailleurs. Ouais. On part d'une logique qu'il n'y a rien qui va changer dans le temps. Puis on applique une formule pour faire une projection pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que l'économie n'est pas quelque chose qui est stable dans le temps. Ouais. Fait qu'on crée des problèmes à ce niveau-là. Puis c'est un des problèmes qui émerge justement de cette mise à jour-là. C'est un petit peu genre le premier mea culpa qui est fait. Le second élément, c'est que dans les tentatives de... Il est rendu avec un genre de dogme du déficit zéro, puis il faut absolument l'atteindre, et pour atteindre ce déficit zéro-là, plutôt que d'augmenter les revenus de l'État, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue les dépenses. Ouais. C'est toute la logique de l'austérité qui a été développée dans les années 80 avec le FMI puis la Banque mondiale, qu'on essaie d'appliquer ici dans une logique de bonne gouvernance. Mm-hmm. Puis même, en plus, ces institutions-là... Ils ont commencé à dire le contraire avec ce qui est arrivé en Europe. Ils se sont rendus compte qu'une austérité qui était, disons, trop rigide faisait en sorte que ça bloquait le dynamisme économique. Il y avait une étude publiée par Éric Pinault en début d'année Éric Pinault qui est professeur à l'Université du Québec à Montréal, puis qui analysait le lien entre l'austérité du gouvernement fédéral, toutes les coupures qui sont faites, puis l'impact que ça avait sur la stagnation de l'investissement. La logique, disons, on considère que plus qu'on met d'argent ou de capital dans l'économie, plus qu'il va y avoir un investissement qui va générer une dynamique. Donc, pour pouvoir avoir une économie, disons, dynamique, ce qu'on fait, c'est que le gouvernement dit on va moins taxer, on va enlever des dépenses, ça va permettre aux investisseurs de mettre de l'argent où il faut, puis comme ça, on va redynamiser l'économie. Sauf que ce que l'étude démontre, c'est que on se retrouve dans qu'est-ce qu'on pourrait appeler une stagnation, de l'austérité stagnation. Ouais. C'est-à-dire que l'investissement va être surtout fait au niveau financier, donc dans des choses qui sont non productives. Fait, même s'il y a eu plus d'argent qui a été dégagé, qu'il y aurait une possibilité d'investissement, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes n'investissent pas pour dynamiser l'économie, mais vont plutôt les mettre dans de l'argent mort d'une certaine manière parce qu'elles se retrouvent en dehors de l'économie réelle de l'investissement. Puis, si on essaie d'appliquer ça au Québec, si on part avec... il faut le déficit zéro, puis pour atteindre le déficit zéro, on arrive avec une logique d'austérité, de coupure, puis d'essayer de redonner de l'argent. Je vois pas pourquoi au Québec, ça serait différent dans le reste du Canada. Mm-hmm. C'est peut-être une autre chose qu'il faut, apprendre de la mise à jour de Nicolas Marceau. Ce que je comprends, c'est qu'il faut... pas nécessairement baisser l'impôt des entreprises, mais trouver une façon d'amener les entreprises d'amener un meilleur plus d'investissement dans la production de biens et services. C'est ça que je comprends. Mais de toute façon, c'est que ça se fait pas, en fait. Oui, c'est ça. C'est juste là, le problème. Donc, on diminue leurs impôts. Oui. Puis, ça génère pas... d'investissement. Ça génère pas d'investissement. Donc, si l'économie n'est pas... il faut quand même un minimum au niveau de l'augmentation du PIB pour que le gouvernement arrive avec son déficit zéro ou, disons, les revenus. Mm-hmm. Puis là, ce qu'il fait, c'est qu'il baisse les impôts. Donc, il crée une double coupure dans ses revenus en coupant le à la base, en diminuant par exemple l'impôt des compagnies. Donc, il y a un revenu qui ne vient pas là. Puis, en plus, en faisant ça, l'économie continue à stagner. Ouais. Fait, il y a comme un, c'est même pas un paradoxe, c'est vraiment comme de pas comprendre que le réinvestissement se fait pas, puis de prendre les moyens pour pouvoir comme stabiliser les revenus de l'État. Ouais. Puis là, dans ce temps-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont couper, puis quand ils coupent, on sait que c'est souvent les plus démunis de la société. Au gouvernement fédéral, ça a été sur l'assurance emploi pour essayer de créer des employés qui vont être payés moins cher, qui vont falloir se déplacer 100 km pour se rendre. Mm-hmm. Puis au niveau provincial, ça a été les coupures au niveau de l'assistance sociale. Ouais. Fait que c'est pas... on coupe, puis on coupe chez les plus vulnérables de la société pour pouvoir essayer de stabiliser ça en disant on touche pas aux compagnies parce qu'eux vont investir puis ils vont être capables de redynamiser le tout. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Au fond, vous donnez un peu raison à ceux qui prétendent que c'est davantage structurel, sauf qu'évidemment, votre explication me semble beaucoup plus logique que de dire qu'il faut resserrer les dépenses plutôt que de hausser les revenus des particuliers, des entreprises, les impôts, pardon, des particuliers, des entreprises. Il faut peut-être se poser la question, d'une part, est-ce qu'on va chercher l'argent où elle est, parce qu'il semble qu'elle est davantage dans le secteur financier. Mm-hmm. Peut-être que justement une taxe sur les transactions financières pourrait aider. Ben, ouais, c'est une des avenues qui est envisageable, qui serait probablement engendrerait. Ben, en fait, même permettrait si on considère que ils vont moins investir à cause d'une taxe comme ça, mais ils vont réinvestir probablement dans l'économie ouais. réelle. Fait qu'il y a l'autre côté. Fait, je crois que ça peut être gagnant-gagnant à ce niveau-là d'avoir de taxer un petit peu plus les transactions financières. Ouais. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait, Francis Fortier. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne sur ces questions fort complexes. Parfois, une chatte ne retrouverait pas ses chatons, là. Et souvent, bon, on fait un peu de démagogie autour de tout ça. En fait, espérons que ça a aidé des gens à comprendre un peu plus la situation. Oui, je le souhaite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était donc Francis Fortier. Je rappelle qu'il est chercheur associé de l'Institut de recherche, à l'Institut de recherche et d'information socio-économique LIRIS. On va maintenant passer à l'éditorial de Claude Vaillancourt. Claude, cette semaine, va nous parler d'un sujet, d'un autre débat qui a eu cours au cours des dernières semaines au Québec. C'est toute la question du prix du livre. On écoute, Claude. La bataille qui se joue en ce moment pour imposer une réglementation dans le domaine du livre est particulièrement significative. Nous avons le milieu du livre tout entier, les libraires, les auteurs, les éditeurs, qui réclament à grands cris, avec une rare unanimité, cette réglementation. Nous avons des preuves que cette réglementation fonctionne et qu'elle protège à la fois la diversité des publications et l'accessibilité aux livres. En France, par exemple, où le prix a été réglementé, l'inflation du prix des livres est moindre et les librairies plus nombreuses qu'en Grande-Bretagne, où tout est réglementé. Nous avons vu à plusieurs reprises de grandes multinationales casser les prix pour éliminer la concurrence, puis rehausser le tout quand elles contrôlent le marché. En s'attaquant à la concurrence, elles s'en prennent aussi à la diversité. Elles vendent les mêmes produits standardisés et rentables sans s'occuper des produits de niche coûteux à gérer. Tout ça nous montre à quel point la décision du ministre de la Culture est facile à prendre. Réglementer le livre n'a que des avantages et répond parfaitement à son devoir, qui est avant tout de protéger la culture. Mais le ministre tergiverse et ne parvient pas à trancher. Pressé de questions par des manifestants au Salon du livre de Montréal, il a avancé ses propos qui n'ont rien pour nous rassurer. Je le cite. « Je ne parle pas de projet de loi. Je parle d'une série de mesures que vous allez connaître et je ne peux pas vous dire le contenu ici aujourd'hui alors que le Conseil des ministres ne s'en est pas saisi. » Cacher ce projet de loi que je ne saurais voir, aurait dit Molière. Il faut s'interroger sur l'étonnante obstination du ministre à ne pas répondre à la demande ferme et raisonnable d'un milieu qu'il doit en principe représenter. Le milieu du livre, c'est pourtant un nombre respectable d'électeurs, des gens qui ont accès à des tribunes et certains auteurs qu'on récompense et dont on s'enorgueillit parfois. On voit que tout ça a peu de poids devant le lobbying des grandes entreprises étrangères comme Costco, Walmart et Amazon. Celles-ci sont soutenues par l'Armada de la droite, Institut économique de Montréal, éditorialistes et chroniqueurs de la presse, etc., qui se sont lancés dans ce combat avec une énergie surprenante. Ce club de riches s'alarme, semble-t-il, devant une triste réalité. Des livres moins accessibles aux pauvres, sans les super rabais offerts dans les grandes surfaces. Nous avons vu à quel point ce raisonnement est fallacieux. En fait, c'est à la réglementation, tout simplement, à laquelle on s'en prend. À la capacité de l'État d'intervenir dans un secteur du commerce. Or, le livre, c'est en vérité bien plus qu'un secteur du commerce. Et la déréglementation a causé sa part de catastrophe, peu importe où on l'a appliquée. On l'a constaté, entre autres, avec les banques et la finance. La question de la réglementation du livre aurait dû être réglée depuis longtemps. Les hésitations du ministre ont tout pour nous inquiéter. Mais surtout, elles nous montrent, une fois de plus, comme si c'était nécessaire, qui sont les véritables maîtres. Sont les véritables maîtres, effectivement? C'est une très bonne question posée par Claude Vaillancourt, qui est président d'Attaque Québec. On va aller à la pause publicitaire. Je vais en profiter entre-temps pour vous inviter à vous rendre sur le site d'Attaque Québec. C'est attaquequebec.com. .qc.ca, j'espère que je me trompe pas. Sinon, je vous donnerai l'adresse exacte tantôt. Donc, vous rentrez sur le site d'Attaque Québec. Au pire, vous allez sur votre engin de recherche préféré, vous cherchez Attaque Québec. Je vous invite à vous y rendre et à nous encourager à soit devenir membre d'Attaque Québec ou soit à faire un don à Attaque Québec, et en même temps, vous allez pouvoir savoir davantage sur nos diverses campagnes qu'on mène, dont celle justement sur la taxe des transactions financières. On a terminé l'entrevue avec Francis Fortier, pardon, de l'IRIS, en parlant justement de la taxation sur les transactions financières, parce que les gens investissent de moins en moins dans l'économie productive. Peut-être que ça les amènerait à investir davantage dans l'économie productive et moins dans l'économie spéculative. Mais il y a d'autres campagnes aussi. Il y a celle sur les paradis fiscaux qui est aussi très importante, parce que c'est encore là touché aux revenus. Et il y a celle sur l'accord économique de libre-échange Canada-Europe. Et justement, on va aller à la pause et par la suite, on va parler avec Dominique Bernier des Amis de la Terre. On va parler justement de toute cette question des accords, de l'impact des accords de libre-échange, cette fois-ci avec dans le secteur agricole. À tantôt. Est-il dans la nature de l'amour, qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour? Le Ciccio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Ciccio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec mes citoyens, nous pouvons bâtir la ville de demain. Ici Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et Régis Labeaume, maire de Québec. Avec les ressources nécessaires pour s'en sortir, ça aide. Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aube-rivière.org. Collaboration Desjardins, Caisse du Centre-Ville de Québec. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écoauthentique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écoauthentique.com. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est toujours le grain de sable d'Attaque Québec. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Dominique Bernier, bonjour. Bonjour. Dominique Bernier, vous êtes aux Amis de la Terre. Peut-être nous dire dans un premier temps ce que vous faites aux Amis de la Terre et ce que sont les Amis de la Terre? Oui, ben les Amis de la Terre sont un organisme écologiste. Par organisme écologiste, on entend qu'ils se préoccupent tout autant de la question de la justice sociale que de la question environnementale. Pour nous, c'est indissociable. Notre mission est vaste, c'est bâtir une société plus écologiste. Alors, on s'y prend de différentes manières, en particulier par la défense collective des droits, l'éducation populaire autonome. Moi, je suis responsable du comité agriculture et alimentation. Oui, on a bien besoin d'organismes qui se battent pour meilleure écologie, meilleure société. Mm-hmm. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration d'Attaque Québec, c'est ça? En effet, oui. Oui. Peut-être dans un premier temps, nous expliquer le lien entre l'OMC, parce que les gens entendent souvent ces termes-là, OMC, accords bilatéraux, accords multilatéraux, etc. On va commencer par l'OMC. Peut-être faire un lien entre l'OMC et l'avenir de l'agriculture, en prenant comme exemple les cultures vivrières du Sud qui sont menacées, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. En fait, l'Organisation mondiale du commerce, qu'on appelle OMC, a été créée en 1995, là, dans ces eaux-là. Et cette création-là marquait la fin de l'exception agricole. Avant ça, quand il y avait une négociation d'accords multilatéraux, en fait, la question agricole était toujours exclu, mise à part, traité différemment, pour une raison bien simple, c'est qu'on a besoin de nourriture à tous les jours. C'est pas un bien commercial comme les autres. Et l'OMC, la création de l'OMC a entraîné, dans le fond, une vision de l'agriculture en tant que commerce, comme tous les autres. Donc, ça a marqué le début de la fin là pour l'exception agricole. Une autre date importante, c'est 2001, alors que l'OMC a entamé le cycle de Doha et a fixé trois objectifs en matière agricole qui sont les suivants. Faciliter l'accès au marché, améliorer la concurrence et diminuer le soutien interne à l'agriculture. Ça s'est fait en fait en abaissant les tarifs douaniers, en incitant les États membres à abaisser les tarifs douaniers, à éliminer les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les réglementations plus contraignantes, à abaisser les subventions à l'exportation, à réduire le pouvoir des organismes nationaux comme la Commission canadienne du blé, par exemple, ici qui régit dans le fond tout le marché du blé au Canada. Puis évidemment, diminuer les subventions et programmes de soutien interne à l'agriculture. Et c'est les cultures vivrières du Sud qui en ont souffert le plus? Oui, en fait, parce que parallèlement, le FMI et la Banque mondiale se sont mis à encourager les pays du Sud les plus endettés à abandonner les cultures vivrières au profit des cultures d'exportation, c'est-à-dire à se mettre à à exporter du sucre et du café principalement, ainsi que des biocarburants par la suite. Puis aussi, ils ont facilité, dans le fond, ils ont incité ces pays-là à ouvrir la vente des terres à des intérêts étrangers. Donc, ça a causé un accaparement des terres assez massif par l'agro-industrie. Et les espaces agricoles qui étaient jusque-là réservés aux productions vivrières, si on pense en Amérique du Sud à la fève noire, qui est à la base de l'alimentation au maïs aussi, ont été délaissés, en fait, au profit des agricultures d'exportation qui peuvent pas servir à nourrir les populations locales. Donc, ça a causé, le résultat, ça a été le fait que la faim dans le monde a atteint un niveau record. En 2009, on parlait de 963 millions de personnes qui souffrent de la faim, avec 2 milliards de personnes qui souffrent de malnutrition, à un degré ou à un autre, c'est beaucoup de monde. En fait, on dit que la faim dans le monde diminue, mais c'est un leurre. En fait, la faim dans le monde ne diminue pas, c'est juste qu'il y a un certain nombre chaque année de personnes qui meurent de faim. Donc, grosso modo, leur nombre diminue, mais la faim, elle, est en augmentation parce que si on additionne les gens qui sont morts de faim aux gens qui souffrent encore de la faim, il y a une augmentation de la faim dans le monde, si on veut. Oui. Les gens sont mal nourris parce qu'ils étaient mieux nourris avant quand il y avait des cultures vivrières, c'est ça? Effectivement. Puis les plus touchés, en fait, ce sont les paysans des pays pauvres parce qu'ils n'arrivent pas à compétitionner au niveau du prix sur les marchés internationaux. Donc, ils sont obligés d'abandonner leur culture, souvent d'abandonner leurs terres, d'aller vivre en ville, dans des bidonvilles, de travailler dans des exploitations. S'ils arrivent à trouver du travail, ça va être du travail dans les usines, ces choses-là. Ouais. Peut-être l'exemple le plus catastrophique, c'est Haïti, d'ailleurs. Haïti, oui, qui a été fortement touché parce qu'ils cultivaient beaucoup de riz et là, ils se sont mis à cesser de cultiver le riz. Effectivement. Et enfin, tout le reste, là, le déboisement, etc., là, c'est terrible. Énormément d'impact aussi en Afrique subsaharienne et un peu partout, en Asie, énormément aussi. Donc là, on a parlé de l'OMC, on a vu que, bon, c'était la fin un peu de l'exception pour l'agriculture. L'OMC a essayé d'avoir des ententes entre tous les pays. C'est ça qu'on appelle le multilatéralisme? Oui, c'est ça, en fait. Ça a plus ou moins fonctionné, c'est ça que je comprends? Ben, en fait, l'OMC fonctionne assez bien, mais les accords précédents qui ont tenté de libéraliser le commerce à grande échelle, si on pense à l'AMI, par exemple, l'accord multilatéral sur les investissements, ça a été un échec. Pourquoi? En grosse partie parce que les pays du Sud se sont mobilisés en voyant ce qui s'en venait, en voyant ce que ça allait entraîner du point de vue de l'agriculture. L'agriculture a été un gros enjeu, une grosse épine dans le pied de ces accords-là. Et peut-être aussi ces accords-là, quand on regardait les propositions qui étaient faites, c'était tellement gros, la stratégie était tellement évidente que la mobilisation a été massive contre ces accords-là. L'OMC s'y prend différemment, s'y prend plus subtilement, si on veut. L'OMC, c'est pas elle qui a initié initie nécessairement des ententes ou des négociations multilatérales, c'est ça? Je suis pas certaine. Ça, je pourrais pas répondre à cette question-là. Okay. Je suis pas sûre si l'OMC les initie nécessairement toutes. Mais elle les soutient, elle est derrière, elle est... Oui, c'est sûr qu'en général, elle soutient ces accords, ces négociations-là. Puis, en fait, là, actuellement, ce qu'on voit plus, c'est des tentatives de négociations bilatérales. Un pays avec un autre pays qui tente de s'entendre sur les différents aspects et en particulier sur l'abolition des barrières à l'exportation agricole. Par exemple, l'accord entre le Canada et les États-Unis, ça, c'est bilatéral. Oui, c'est bilatéral. Celui avec l'Europe, même chose. Oui, avec l'Europe, on peut dire que c'est bilatéral, mais par contre, on s'entend qu'il y a plusieurs pays en cause. L'Union européenne n'étant pas une masse monolithique, là, c'est composé de plusieurs pays. Mais en fait, ce qui se passe avec les accords bilatéraux, c'est qu'ils contiennent presque tous une clause qui leur permet, en fait, la clause de la nation la plus favorisée, qui fait en sorte que si ils atteignent un certain niveau de libéralisme avec un certain pays, en fait, un pays qui aurait signé un accord avant, avec par exemple, dans sa négociation avec l'Europe actuellement, le Canada atteint un niveau de libéralisme supérieur à celui qui avait été atteint dans le cadre de l'ALENA avec, avec les États-Unis et le Mexique. Comme dans l'ALENA, il y a un principe de la nation la plus favorisée, les États-Unis et le Mexique pourront exiger du Canada que les mêmes mesures s'appliquent à eux. Alors, en bout de ligne, on voit comme en fait le Canada a négocié 41 accords bilatéraux jusqu'à ce jour avec autant de pays. La plupart de ces pays-là pourront se prévaloir de la clause de la nation la plus favorisée pour demander le même niveau de libéralisme économique. OK. Est-ce que vous dites que notre agriculture aussi, elle est fortement menacée? Oui, notre agriculture est fortement menacée. En fait, il y a un rapport, c'est-à-dire un système de modélisation qui s'appelle le MOMAGRI, qui a démontré que si tout ce que propose l'OMC en matière d'agriculture était mis en œuvre, ça entraînerait en fait une baisse de 60 % des revenus des agriculteurs du Sud et sur 15 ans et une baisse de 30 % des revenus des agriculteurs des pays riches, des pays du Nord. Donc, c'est très important. Ça menace de grands pans de l'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture, ça demande des investissements très importants. Les revenus sont souvent assez... La marge de profit est très mince en agriculture et en plus, on est soumis au climat. Alors, il y a énormément de facteurs qui font que c'est une industrie fragile. J'aime pas la qualifier d'industrie personnellement, mais bon, il y a une agriculture qui est industrielle, donc on va en parler en ces termes. Mais c'est quand même très fragile et c'est absolument essentiel. Oui. Le danger, au fond, c'est que les agriculteurs sont de plus en plus des salariés d'entreprises qui vont... Vous avez parlé d'accaparement des terres tantôt, là. D'entreprises qui vont finalement contrôler une bonne partie du territoire agricole et qui vont embaucher des gens pour faire le travail, mais qui vont profiter de ce travail-là. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'intégration et c'est de plus en plus le cas au Québec, en particulier dans le secteur porcin. Il y a un certain nombre de grosses multinationales agricoles qui rachètent les terres, qui embauchent les producteurs comme contre-maîtres de leur ferme. Donc, ils deviennent des salariés sur leur propre ferme. Et ils ont à peu près, dans ce modèle-là, ils ont à peu près tous les risques et peu de profits, en fait. Et en plus, ces multinationales-là empochent le gros de la stabilisation des revenus agricoles, malgré qu'ils n'en ont pas besoin d'un point de vue purement économique. Et donc, on voit la même chose dans le Sud, j'imagine. Oui, dans le Sud, ça se fait un petit peu différemment. En fait, il y a de l'accaparement des terres qui est fait simplement pour garnir les portefeuilles d'investissement. Suite à la crise de 2008, il y a énormément de fonds qui ont voulu diversifier leur portefeuille qui ont misé sur des valeurs refuges. Et les terres sont des valeurs refuges parce que, en général, leur valeur est relativement stable comparativement aux papiers commerciaux autres titres toxiques. Alors, en achetant des terres, ils ne les achètent pas nécessairement pour faire de l'agriculture dessus. Elles peuvent être simplement laissées en friche ou elles peuvent servir à d'autres fins comme produire des biocarburants et ça prive des espaces agricoles, en fait. Ça prive la population d'espaces agricoles qui seraient nécessaires pour nourrir les gens. Oui. Sans compter les pays qui achètent carrément des terres à l'étranger pour nourrir leur propre population. Ça, c'est un autre phénomène. Nourrir leur population ou nourrir leur bétail. Oui, ou nourrir leur bétail. Encore pire. Au fond, c'est les grandes multinationales qui œuvrent dans le commerce des denrées agricoles, c'est elles qui sont très actives derrière tout ça. C'est elles, finalement, ils ont des puissants lobbies, puis elles sont très présentes dans les organismes internationaux. Je me trompe? Tout à fait. Non, vous ne vous trompez pas du tout. En fait, même... on a appris récemment que dans les négociations actuelles sur le partenariat transpacifique qui se font entre le Canada, les États-Unis, l'Australie et plusieurs pays d'Asie. Non, ça, c'est multilatéral. Effectivement. Parmi les conseillers spéciaux figurent des représentants de Monsanto, de Cargill et d'autres multinationales de l'agro-industrie. Donc, ouais. C'est quand même assez inquiétant. Ils conseillent le gouvernement sur les mesures à mettre en place. Et on sait que ce sont des entreprises quand même assez agressives, pour le moins, qui ont une forte tendance en faveur du monopole, ouais. Qui essaie de s'accaparer la totalité de la vente de semences. Exactement, bon, en tout cas, ouais, c'est ça. On ne peut pas leur prêter d'intention, mais si on regarde ça d'un point de vue de l'extérieur, c'est une entreprise. L'objectif ultime d'une entreprise, c'est de contrôler son marché. Voilà. On ne peut pas leur en vouloir, il faut juste en être conscient et adopter des lois comme société qui empêche que ça nuise à l'ensemble de la société. Mm-hmm, parce qu'en fait, le marché laissé à lui-même ne rémunère pas décemment les agriculteurs, puis ne répartit pas équitablement les denrées alimentaires, ne permet pas à tout le monde d'avoir une nourriture saine et suffisante. C'est l'inverse qui se produit, une concentration, un déséquilibre qui se produit quand on le laisse aller. Oui. Là, on a parlé brièvement du partenariat transpacifique. Je lisais cette semaine que c'est tellement secret qu'il y a des clauses de non-divulgation du contenu, non seulement au moment où ça se produit, mais 5 ans après la non-entente. C'est quand même incroyable. Comment on fait pour lutter contre tous ces accords, la SCG, le partenariat transpacifique, alors qu'on n'a pas l'information? C'est très difficile, justement, parce que la seule information dont on dispose nous provient de fuites. Une chance qu'on a des... Oui, heureusement, oui. Une chance qu'il y a des gens qui coulent de l'information, qui se sentent assez concernés pour faire ça. C'est difficile pour cette raison-là. C'est difficile aussi parce que le discours officiel nous dit qu'il va y avoir de la création d'emplois, que ça va être bon pour la croissance économique, oui. Donc que c'est merveilleux pour tout le monde, en fait. Mais dans la réalité, ce qu'on sait, c'est que ça place, en fait, le droit au profit, le droit des multinationales de faire du profit au-dessus de plusieurs droits humains, notamment le droit à l'alimentation. Qui, lui, est indissociable du droit des peuples à la souveraineté alimentaire. Tout à fait, tout à fait. On va se laisser là-dessus, Dominique. Ça nous a, je pense que ça a éclairé pas mal les gens. Hein, qu'ils entendent le mot bilatéral, multilatéral, ils entendent OMC, ils entendent partenariat transpacifique. On ne sait pas trop ce que c'est. Les gens peuvent se rendre sur votre site pour en apprendre davantage, j'imagine. Effectivement, et il y a une pétition qui circule sur le site de l'Assemblée nationale pour justement réclamer davantage de transparence dans les négociations sur l'accord économique et commercial global avec l'Europe, oui. Et sur aussi, en fait, demander un large débat public, chose qui manque cruellement oui, dans tout ce à domaine. Fait. Oui, rappelez-nous votre site. Notre site, c'est atquebec.org. atquebec.org, tout voilà. Simplement. Oui. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Dominique. À une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Dominique Bernier des Amis de la Terre. On va aller faire une brève pause musicale et je vais revenir avec l'agenda de la semaine. Petite pause musicale, Scanimé, pour ceux qui se demanderaient ce qu'est cette pièce, Scanimé, avec Cédric Vuille. Donc, c'est la partie de l'émission où on vous informe de ce qui est à surveiller cette semaine. Ça, c'est grâce au calendrier Média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. L'adresse, c'est www.réseauforum en un seul mot et au singulier.org /grille /calendrier. Marché de Noël responsable. Univers Laval, ça, c'est à l'Université Laval. C'est le 3 décembre. C'est à, de 8h à 18h. C'est à l'atrium du pavillon Charles de Coninck pour sensibiliser la communauté universitaire à la consommation responsable durant la période des fêtes. L'équipe des intervenants en développement durable de l'université organise le marché de Noël responsable. Lors de cette journée, Univers Laval sera sur place pour vous offrir une alternative éco-responsable pour emballer vos cadeaux des fêtes. Je répète, c'est de 8h à 18h, c'est au pavillon Charles de Coninck. Le 3 décembre. Le combat des chefs solidaires, ça c'est le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec qui organise ce combat. C'est à l'Hôtel Pur, c'est le 4 décembre à 17h. Le combat des chefs solidaires, c'est une activité de financement qui oppose 5 équipes. Chacune d'entre elles est constituée de collègues de travail. Votre but, va être de concocter la meilleure recette de soupe dans un laps de temps défini avec un choix d'aliments limité. Ah, tout un défi sous la forme. Ça va prendre la forme d'un 5 à 7 dans un climat de compétition amicale, bien entendu. La meilleure soupe sera jugée par le très réputé chef Jean Soulard. Ah, donc, c'est à l'Hôtel Pur, 395 rue de la Couronne à Québec, et c'est pour encourager le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Soirée bière solidaire pour Navti Fondation. On a reçu Mathieu Papillon d'Arvaux la semaine passée de Navti Fondation, le directeur. Ils ont une soirée, je l'avais mentionné, mais j'y reviens. Ils ont une soirée le 4 décembre au Bal du Lézard. C'est à 21h. C'est au 1049 3e Avenue à Limoilou, le Bal du Lézard. Toute l'équipe de Navti Fondation Canada vous invite à prendre une bière solidaire au Bar du Lézard. Il y a 75 sous pour chacune des bières à des peintes en fût vont être données à la mission de l'organisme. Vous avez entendu tantôt l'annonce de Nez Rouge. C'est intéressant de s'y rendre et d'encourager le plus possible la mission de Navti, mais assurez-vous d'avoir Nez Rouge pour revenir à la maison. En prime, des photos de stagiaires de Québec sans frontières de l'AMI vont être exposées lors de cette soirée. Donc, le 4 décembre à 21h. 5 à 7 du journal Droit de parole. Ça, c'est au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean à Québec. L'équipe du journal Droit de parole vous invite à un apéro au bar Le Sacrilège. Une partie du prix des consommations vont aller au financement du journal. 5 décembre, 17h. Ils sont fous, ces gouvernements. C'est le théâtre 30 ans de Rose du Nord. C'est aussi le 5 décembre à 19h. Il va y avoir un petit conflit là. À la salle multi du complexe Méduse, c'est au 591 rue Saint-Vallier-Est dans Saint-Roch à Québec. C'est situé le nom de la Côte d'Abraham, le complexe Méduse, pour ceux qui se poseraient la question. Les militantes de Rose du Nord vous invitent à célébrer les 30 ans de leur groupe en venant assister à une grande pièce de théâtre intitulée « Ils sont fous, ces gouvernements ». L'entrée est gratuite. Il faut cependant confirmer sa présence le plus rapidement possible. Le but on a écrit, c'est resté dans l'agenda, le début d'une campagne électorale pourrait changer notre date, mais je crois pas qu'il va y avoir d'annonce de campagne électorale d'ici le 5 décembre. Donc, 5 décembre, 19h. Ils sont fous, ces gouvernements. Maintenant, le moment du mot de la fin. Merci à Francis Fortier de l'Institut de recherche et d'information socio-économique LIRIS. Merci également à Dominique Bernier des Amis de la Terre. Je rappelle l'adresse des Amis de la Terre, atquebec.org. Je rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de là accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Je vous rappelle également qu'ils sont disponibles sur le site d'Attaque Québec. Je vous avais donné la mauvaise adresse tantôt, retenez-la cette fois-ci, www.quebec.attaque.org. www.quebec.attaque.org. Vous allez trouver tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog Le Grain de Sable en un seul mot, .qc.org. Et trouvez aussi sur notre blog les divers liens Internet de ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook. avons une page Facebook, l'émission. Cherchez-y le grain de sable sur CKRL. Nous avons aussi un compte Twitter, grain de sable QC, grain de sable QC, tout en un seul mot. Réagissez-y, ça va nous faire grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien aussi sur notre blog pour vous rendre sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter. Attaque Québec veut dire Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, le grain de sable en un seul mot, legraindesable.qc.org, yahoo.com, legraindesable@yahoo.com, ou directement sur notre blog. Il y a un endroit, vous allez voir, c'est indiqué contact, vous cliquez, vous allez pouvoir nous envoyer un message directement sur notre blog. On se retrouve samedi dans deux semaines, nous faisons un relâche. C'est Valérie Blouin qui va faire jouer, Valérie, qui a été animatrice pendant un certain temps de l'émission Les Grains de Sable, qui va faire jouer de la musique qui va sûrement savoir vous plaire. Et on va se retrouver donc la semaine suivante, le 13 décembre. L'émission qui suit, c'est les Cheek contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Bonne semaine. En bas, les petits Chinois gambadent. Les produits en bas, les petits Chinois gambadent. Les produits exotiques ferment boutique. Il est 7h déjà. En bas, le ruban des bagnoles, phare allumé, roule au pas. Et moi, en haut, en face, je regarde les tours qui s'éclairent, les petits carrés tout bleus de lumière. Il est pas tard, c'est le soir. Dans les brasseries de la place de Clichy, c'est le coup de feu, les cuisines résonnent. Les serveurs en noir, militaires tabliers blancs, voltigent entre les tables bavardes. Tu sors du métro, une clope à la bouche, coup d'œil à gauche, à droite, dans les marches. Feu vert, feu rouge, 300 mètres encore. Stop! En bas, les rues maintenant sont vides. Les retardataires entre ventre à terre. En bas, il est minuit déjà. En bas, les rares bagnoles à fond foncent vers la banlieue. Et moi, en haut, en face, je regarde les tours qui s'éteignent. Les petits carrés tout noirs, sans lumière. Il est tard, c'est la nuit. Dans les brasseries de la place de Clichy, le coup de feu est passé, tout est calme. Les yeux ouverts devant la télé, tu ne regardes plus vraiment les images. Le chien somnole, le chat doucement ronronne, les enfants dorment déjà depuis longtemps. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Livraison! Bonjour Alain! Madame le gouvernement, vous aussi vous utilisez la boîte? Comme tout le monde, je suis effrayée à l'idée de développer des relations interpersonnelles avec ma famille et mes amis. Je consomme des boîtes qui me permettent de me maintenir dans un paradis artificiel à l'écart des ravages d'une éventuelle et douloureuse prise de conscience sociale. La boîte. Du 19 au 30 novembre à Premier Acte. Billets en vente sur Billettech. Pour plus d'informations, premieracte.ca. On voit nulle part!